30 fois plus. En 2020, il y a eu 30 fois plus de consultations médicales à distance. Et notre rôle, au Crédit Agricole, c'est d'accompagner les professionnels de santé dans cette évolution, avec la solution simple et sécurisée de e-paiement par SMS de notre partenaire PayMed. Vous pratiquez la télémédecine, passez au télépaiement. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Service distribué par PayMed, détaillé conditions sur paymed.pro. Les élites peuvent-elles faire la révolution? La gauche américaine est-elle la seule force capable de faire perdre Donald Trump? Ou une classe bourgeoise qui se nourrit de victimisation et contribue à faire couler le pays qu'elle prétend sauver par ailleurs? Mon invité aujourd'hui s'appelle Matthew Crawford. Il est Senior Fellow à l'Institut des hautes études culturelles de l'Université de Virginie et l'auteur de plusieurs ouvrages de philosophie qui en appellent à renouer contact avec le réel. Son éloge du carburateur avait fait parler de lui en 2009 et il est ce matin à notre micro pour réfléchir sur Donald Trump, ses électeurs et ses détracteurs et ce que peut la philosophie dans ce contexte, le pire pour lui n'étant pas forcément du côté attendu. You lost your job, yeah, this is your life. You got no hope, you got no plan. But the billionaire, yeah, he's your man. Cause Trump is on your side. Yeah, Trump is on your side. He's a billionaire who got a free ride. But he's on your side. Work so hard doing everything right, but you're wide awake in the middle of the night. You're all alone and you're filled with fear. And the billionaire says what you need to hear, cause Trump is on your side. Yeah, Trump is on your side. He's never really worked a day in his life, but he's on your side. Don't you worry, cause bonjour Matthew Crawford. Hey, good morning, thank you. Merci d'être avec nous ce matin depuis San Jose en Californie. À quelques jours des élections américaines, comment allez-vous? I'm well. Je vais bien. Nous sommes tous assez épuisés et très heureux que ce soit bientôt terminé. Et pensez-vous, comme le chante Moby and the Homeland Choir, que Trump soit de votre côté, que Trump is on your side? Well, he's clearly on his own side. Eh bien, il est clairement de son propre côté, surtout. Matthew Crawford, on avait fait une émission ensemble il y a 4 ans. On avait parlé de vos ouvrages de philosophie, L'éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail. Votre livre suivant, qui s'appelle Contact, pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver, 2 ouvrages publiés aux éditions de La Découverte. Et ces émissions avaient laissé dans la mémoire des auditeurs un souvenir très fort. Je ne sais pas si vous en avez conscience et on est très heureux ce matin de pouvoir vous entendre sur ce sujet. Well, I'm glad to hear that. Bien sûr, ravi de le savoir. C'est un sujet sur lequel je ne suis pas vraiment prêt à parler avec une autorité. Mais je suis sûr que nous allons ensemble réfléchir. Ce qu'on peut dire pour commencer, Matthew Crawford, c'est que ce qui vous intéresse, c'est moins Trump lui-même que ceux qui ont voté pour lui et les raisons pour lesquelles ils l'ont fait. Oui, je pense que nous essayons tous de comprendre. Et les élections actuelles se résument sans doute à qui on craint le plus, la personnalité de Trump, ses mensonges, toutes ces insécurités, ce côté guerrier, la télé-réalité, cette façon de jouer un rôle? Ou est-ce qu'on craint davantage ce à quoi il s'oppose, qui est une sorte d'appareil d'État? Mais est-ce que vous dites aussi, parce que vous vous êtes prononcé à plusieurs reprises, notamment dans la presse française ces dernières années, c'est que pour vous, les personnes qui ont voté Donald Trump avaient en tête aussi de lutter contre la gauche américaine qui détient le pouvoir idéologique aux États-Unis, dites-vous? Yeah, I think there's a sense that when Trump was elected in 2016, il me semble que quand Trump a été élu en 2016, nearly every institution in the U.S., every sort of presque toutes les institutions des États-Unis, le pouvoir culturel, le pouvoir économique, se sont déclarés membres d'une forme de résistance, en prenant une espèce de posture héroïque sur la barricade. Il faut clarifier sa position, et ça a été le grand drame de l'establishment récemment. Ils en ont fait quelque chose de théâtral. Il faut se débarrasser de Trump par tous les moyens. Ça le mérite de clarifier les choses. On a découvert l'orientation normative de cet appareil d'État, de gouvernement, et la manière dont il conçoit la réalité. Mais est-ce que vous pensez réellement que la gauche américaine détient le pouvoir idéologique aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle domine dans les universités, les médias, les principales institutions culturelles? Il me semble que depuis l'élection de Trump, il y a eu plusieurs médias qui se sont prononcés ouvertement en faveur et en soutien à Donald Trump. Yeah, well, you have Fox News, which is really a very important exception. Il y a Fox News, qui est une exception et qui est effectivement un organe qui soutient Trump. But the rest of these corporate media is very consistently. Mais le reste des grands médias really kind of abandoned journalistic standards. C'est vraiment éloigné des normes du journalisme pour mener une guérilla politique. Il y a eu un véritable effondrement de la confiance. Et ça devient difficile simplement de trouver des informations justes. Well, I guess there's this feeling that there's been a great consolidation. Il y a cette impression de voir se consolider considérablement l'expertise technocrate et la supériorité morale. Also a consolidation of economic power, ainsi que le pouvoir économique et le pouvoir de former les opinions. Les conservateurs gagnent souvent les élections, mais on a l'impression que le véritable pouvoir n'appartient plus au processus électoral et qu'il tient plutôt à cet appareil justement capable de forger des opinions, un appareil technocratique. Nous pouvons peut-être détailler ça, mais la crise de la Covid a vraiment fait émerger cette problématique. C'est-à-dire, de quelle manière? Avec la crise de la COVID-19, bien sûr, la santé publique a fait la une. Supposedly apolitical, merely technocratic institution. Donc cette institution qui est censée être apolitique, principalement technocratique, really the way it's behaved de la santé publique, la manière dont elle s'est comportée, son attitude, elle a montré en fait qu'en réalité l'idéologie joue un grand rôle dans sa manière d'agir, ce qui nuit à la confiance. Par exemple, au début de la pandémie, il aurait été impossible de recommander des restrictions sur les déplacements, notamment les voyages depuis la Chine, parce que ça ne va pas avec l'internationalisme libéral qui est présent dans ces institutions. Et donc, il y a une asymétrie quand on condamne les gens qui vont à la plage dans les zones républicaines, comme en Floride, alors qu'on encourage les manifestations, par exemple, les marches. Et puis il y a cette manière de présenter la science comme quelque chose de définitif, d'installé, et quand ce n'est pas le cas, il y a une sorte de concurrence entre les faits qui vient nourrir une compétition politique. Les gens ont donc l'impression que toute leur économie et leur vie est prise en otage sous couvert de science, justement. Ce qui, encore une fois, nuit à la confiance. À la confiance en Donald Trump. Mais ce que vous dites dépasse le problème lié à Donald Trump. C'est plus la question de l'équilibre entre la liberté accordée aux citoyens et les mesures gouvernementales appliquées au nom de la protection de ces mêmes citoyens. Je pense que ça va au-delà. Ce n'est pas seulement un équilibre entre le risque et la liberté. C'est quelque chose de beaucoup plus dangereux. C'est l'impression que les institutions qui sont en charge du bien commun ne suivent pas en réalité une expertise technocratique, mais une direction plus politique que ça. C'est pour ça que nous avons cette crise de légitimité. Et c'est à la fois la légitimité de la science avec un grand S et celle des organes politiques à travers laquelle elle est diffusée. Et on parlait de la responsabilité de la gauche dans l'élection de Trump. Est-ce que vous arrivez à définir les traits caractéristiques de cette gauche, de ce que vous appelez, vous, le Parti démocrate ? Well, as I'm sure you can see from France, comme je suis certain que vous le constatez depuis la France, la politique des identités est devenue vraiment un trait qui définit le Parti démocrate. Et plus généralement, les institutions américaines. Donc je pense que les électeurs de Trump ont tendance à considérer cette politique identitaire comme l'idéologie de la classe dominante. Nous pouvons revenir sur l'histoire, la manière dont ça s'est produit. Oui. Okay, well, so if you go back to the civil rights movement, si on remonte au mouvement des droits civiques, you know, this began as a an attack on double standards, right? It was black Americans. Ça a commencé d'abord comme une façon de s'en prendre aux discriminations. C'était les Noirs et les Blancs qui réclamaient d'être traités de la même manière. Et que la loi leur s'applique de la même manière. Et ceux qui défendaient cette idée étaient prêts à aller en prison pour ça. C'était quelque chose de très patriotique. Mais comme Christopher Lash l'a écrit, il y a eu un moment où le régime des droits civiques est devenu complètement autre chose. Aujourd'hui, l'idée de traiter tout le monde de la même manière est attaquée comme étant du racisme institutionnel. C'est une doctrine qui remonte aux années 60, au mouvement des droits civiques. L'idée que toute inégalité dont bâtit un groupe est forcément une discrimination. Discrimination qui n'est pas toujours délibérée de la part de ceux qui appliquent la loi. Parfois, ça vient de leur état d'esprit. Mais la malveillance est généralement dissimulée. Et donc, on s'attaque à la norme elle-même, à la façon de jauger, de traiter les gens. Qui est le début de cette critique du racisme systémique comme une force invisible. Vous avez nommé le sociologue Christopher Lash, qui a écrit notamment en français « La révolte des élites », paru en 1995 en France, un ouvrage très important dans lequel il montre comment ces élites, qu'il identifie à la classe bourgeoise, ont mis en œuvre un procédé selon lequel ils se faisaient payer à eux-mêmes d'appartenir à cette classe sociale. Et ce que vous dites au fond, c'est que cette façon de réfléchir à la société peut s'appliquer aux États-Unis aujourd'hui et comprendre ainsi comment se comporte la gauche américaine à la veille de ces élections et dans la politique identitaire en général. Yeah, so one thing that Lash tried to explain Il y a une chose que Lash a essayé d'expliquer dans ce livre, La révolte des élites, de 1995. Ce qu'il suggère, c'est que la victimologie, la victimisation est liée à ce grand projet économique libéral. Si on condamne le pays comme étant raciste, sexiste, homophobe, cela vous soulage quelque part de vos obligations vis-à-vis de ce pays et vous devenez un acteur libre dans l'économie mondiale. Cela vous libère également des contraintes bourgeoises. C'est la liberté sexuelle aussi. Tout ça est légitimé par cette idée que les normes partagées de la société sont fondamentalement corrompues. Donc la victime joue un rôle important. En ce sens qu'elle autorise une mise en retrait de la communauté et par rapport aux normes de la communauté. Ce serait donc l'élite elle-même qui aurait recours à la victimisation comme pour s'excuser d'occuper la place qu'elle occupe, c'est ça ? Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que la victimisation fait partie d'un système idéologique qui implique que la quête d'une autonomie personnelle, individuelle, d'une libération individuelle est morale. Ça autorise cette quête. C'est ainsi que je le comprends, en tout cas. On va essayer de le comprendre encore plus précisément ensemble en écoutant un texte de René Girard. Ce texte s'appelle « Je vois Satan tomber comme l'éclair » et il décrit ce qu'il appelle le souci des victimes comme étant un geste fondateur de nos sociétés. Écoutez-le. Nous vivons dans un monde qui se reproche sa propre violence constamment, systématiquement, rituellement. Nous nous arrangeons pour transposer tous nos conflits, même ceux qui se prêtent le moins à cette transposition, dans le langage des victimes innocentes. Au-delà des absolus récemment écroulés, l'humanisme, le rationalisme, la révolution, la science même, il n'y a pas aujourd'hui le vide d'absolu qu'on nous annonçait naguère. Il y a le souci des victimes. Et c'est lui qui, pour le meilleur et pour le pire, domine la monoculture planétaire dans laquelle nous vivons. Si on examine les défuntes idéologies, on s'aperçoit que ce qu'il y a de durable en elles, c'était déjà ce souci, encore enrobé de superfluité philosophique. De nos jours, tout se décante, et le souci des victimes apparaît au grand jour, dans toute sa pureté et son impureté. Rétrospectivement, c'est lui, on le voit bien, qui depuis des siècles gouverne en sous-main l'évolution de notre monde. Ce qui exigeait encore pour être repéré, il y a un siècle, la perspicacité d'un Nietzsche, aujourd'hui le premier enfant venu le perçoit. La surenchère perpétuelle transforme le souci des victimes en une injonction totalitaire, une inquisition permanente. Les médias même s'en aperçoivent et se moquent de la victimologie ce qui ne les empêche pas de l'exploiter. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Vous écoutez France Culture, Les chemins de la philosophie, c'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions autour de Donald Trump vu par les philosophes. Aujourd'hui en compagnie du philosophe américain Matthew Crawford, qui est avec nous depuis San José, où il habite en Californie. Le texte de René Girard que vous venez d'entendre, Matthew Crawford, avec cette expression du souci des victimes, me semble pertinent pour aller dans le sens de ce que vous développez, à savoir que le Parti démocrate américain serait dans une position, disons, de récupération des minorités pour légitimer sa position de pouvoir et son opposition à Trump. Au fond, ce parti se souhaite révolutionnaire et vous avez l'air très sceptique à ce sujet. Oui, il y a plusieurs décennies, ces deux partis n'avaient pas du tout la même allure. Le Parti républicain, c'était celui des affaires, pour simplifier considérablement. Les démocrates, c'était le parti du travail, de la sécurité sociale, du filet de sécurité. Et les deux semblaient plutôt bien fonctionner ensemble. Actuellement, c'est très difficile de dire ce qu'est le Parti républicain. Est-ce que c'est un parti de résistance, de négation, alors que le Parti démocrate est maintenant le parti des grandes entreprises de la technologie, de l'industrie, de la culture, des grands philanthropes, de Wall Street, et des donations politiques de ces grandes entreprises au Parti démocrate. Il y a vraiment cet élément oligarchique très fort dans le Parti démocrate. Et un autre élément est celui des classes dites protégées au terme du droit, des droits civiques. Ce qui renvoie à cette question des victimes telles que René Girard les décrivait. Les Noirs, les femmes, les homosexuels, les transgenres. Il y a une sorte de coalition entre les grandes puissances et les victimes. C'est ça qui constitue aujourd'hui le Parti démocrate. La question, c'est comment est-ce que cette transformation s'est produite dans la structure même du parti. Si vous me le permettez, j'aimerais aussi évoquer François Furet. Je suis certain que vous le connaissez comme historien de la Révolution française, mais il a aussi écrit un livre sur ce qu'il appelle la passion révolutionnaire. Dans le passé d'une illusion. C'est celui-là. Ce qu'il suggère, c'est que cette passion de la Révolution est un phénomène bourgeois. Et qu'au fond, ce qu'on trouve, c'est une forme de haine de soi des bourgeois. Parce que la passion révolutionnaire, c'est justement la haine du bourgeois. Il explicite sa logique, que je trouve très forte. La société bourgeoise réclame l'égalité, c'est la grande innovation qu'elle demande par rapport à l'Ancien Régime. Mais la société bourgeoise est aussi fondamentalement concurrentielle. Et cette concurrence crée des inégalités immenses. Donc la légitimité de la société bourgeoise est sapée par la manière dont elle se développe et dont les inégalités croissent. Et ce problème de légitimité est très profond. Donc la société bourgeoise est en quelque sorte hantée par ce sentiment qu'il représente quelque part un mensonge de la société moderne et une manière de se remettre en cause en permanence. Ça se manifeste souvent par des conflits au sein des propres familles, avec le fils qui se rebelle contre le père, pour se débarrasser de cette souillure morale. Le radical est généralement un traître à sa classe qui cherche sa rédemption et qui veut montrer les mensonges de son propre groupe, de sa propre famille. Mais ce drame de l'autoflagellation bourgeoise, on le retrouve aujourd'hui dans des termes identitaires transposés. La notion de diversité a remplacé celle d'égalité pour légitimer, parce qu'on a toujours besoin de cette force de légitimité. C'est toujours ce qui titille la conscience du bourgeois. Un des résultats, c'est que cette reformulation de la haine de soi du bourgeois implique que les intérêts économiques deviennent distincts de cette passion révolutionnaire. Donc maintenant, la fille ou le fils peut dénoncer son père, non pas parce qu'il est capitaliste, mais parce qu'il est raciste. Et ce glissement de l'objet de la haine de soi du bourgeois a beaucoup aidé le capitalisme à se développer. Et jusqu'où tient le parallèle entre les motifs et les émotions en œuvre dans la Révolution française en 1789 et les émotions, et j'emploie ce terme à dessein, qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans la société américaine? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une révolution souhaitée par l'élite américaine? Compte tenu de la logique de François Furet, comme je viens de l'expliquer, on voit comment, par exemple, le mouvement Black Lives Matter peut avoir une certaine utilité pour une classe gouvernante qui a désespérément besoin de se relégitimer face à la menace populiste. Donc c'est une façon de rejouer les fondements du régime, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les années 60. Ça ne veut pas dire que la colère de la rue n'est pas sincère, mais elle est très influencée par un discours qui est de l'ordre de la propagande. Où vous situez-vous à titre personnel sur l'échiquier politique américain ? Je n'ai pas voté depuis 2008. Je ne m'implique pas vraiment en politique. Mais c'est une époque fascinante pour observer la politique. Il y a une forme de révélation, de moment de révélation de la façon dont la classe gouvernante voit le monde à cause de cette radicalisation qui est en cours et qui est liée à Donald Trump. Donc ça a eu un effet vraiment de clarification. Je suppose qu'on peut peut-être commencer aussi à rentrer dans quelque chose de plus concret, dans l'histoire institutionnelle du politiquement correct et la manière dont le politiquement correct a pris une telle puissance. Si on remonte à la loi sur les droits civiques de 1964, il y a déjà l'idée d'un environnement de travail hostile. Ce sont des protections qui sont modelées sur celles qui existaient déjà dans le domaine du droit du travail. Mais la grande différence, c'est que si on appartient à l'une des classes qui sont protégées, on peut dénoncer une situation de travail qui ne serait pas sécuritaire sur la base de critères qui sont très subjectifs et très élastiques. L'idée, c'est que se considérer comme offensé est quelque chose aujourd'hui qui peut faire l'objet de poursuites de l'État contre une entreprise, dans toute entreprise de plus de 15 salariés. Ce que ça implique, c'est que maintenant la culture des organisations, la façon dont les gens parlent, discutent au sein de cette organisation, peuvent être un objet de contrôle managérial. On a tendance à penser que la culture est quelque chose d'organique. Sauf que maintenant, il faut la façonner. Donc ce débat sur la diversité devient la lingua franca des institutions américaines. Il faut faire attention aux plaisanteries, à l'humour. Il y a quelque chose de très cérémoniel dans le langage académique des entreprises et du gouvernement. Donc je pense que les États-Unis ont bien du mal à développer un cynisme protecteur. Nous sommes des gens qui sont très sincères. Et donc, pour réduire cette dissonance cognitive entre ce langage extrêmement cérémonieux et la réalité, la seule façon de le faire, c'est d'essayer de s'approprier justement ces interdits et de s'engager davantage encore dans les efforts qui permettent d'éviter de remarquer la réalité. Je pense que c'est de ça qu'on parle quand on parle de politiquement correct. Donc l'antiracisme, l'antisexisme, une certaine propension à très vite dénoncer. Ça devient les pierres de touche d'une sensibilité morale qui distingue la classe professionnelle d'ordre inférieur. Ça devient un signe en fait de conscience de classe qui reflète nos intérêts matériels, l'intérêt que nous pouvons avoir pour nos carrières, etc. Est-ce que ce sont des phénomènes que vous observez particulièrement à l'université ? Alors, vous travaillez à l'université de Virginie, mais dans les universités américaines en général. Oui, il y a une inversion de l'équilibre des pouvoirs dans les universités américaines entre les membres des équipes de chercheurs et d'enseignants et les administrateurs. L'administration est de plus en plus importante et la diversité, l'inclusion devient la discipline centrale. Ça devient une industrie centrale qui gouverne l'université. On a en quelque sorte perverti la mission d'origine de l'université. Par exemple, Harvard aujourd'hui a plus d'administrateurs de rang qu'on appelle Title IX, c'est-à-dire c'est lié à la loi sur les droits civiques, sur la question de l'égalité des genres, des sexes. Quand on voit la réaction au mouvement Black Lives Matter, toutes les grandes entreprises internationales essaient d'être les plus sonores dans leur manière d'exprimer leur indignation, de donner de l'argent. Et les médias, les universités sont tous en train de se marcher sur les pieds pour être celui qui soutient le plus ce mouvement. Donc l'idée que ce soit une manifestation anti-système et qu'il y ait un racisme systémique, en fait, on a vraiment l'impression que le système est derrière ce mouvement et le soutien. Donc il y a quelque chose qui ne correspond pas entre le discours officiel et la réalité concrète. Au fond, ce que vous dites, c'est que cette attitude de l'élite bourgeoise, pour reprendre vos termes, de la gauche américaine, pour la reconnaissance des identités, serait une lutte des classes déguisée. Au fond, vous réactivez le schéma marxiste et vous montrez comment c'est celui-là qui est pertinent aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe dans la gauche américaine. Oui, je pense que nous assistons à une lutte des classes que l'on travestit en guerre culturelle. Et je pense que oui, on a besoin d'une analyse marxiste pour comprendre comment les intérêts matériels et idéologiques s'entretiennent mutuellement. Je pense que là où c'est intéressant, c'est quand on commence aussi à réfléchir aux idées marxistes de la fausse conscience, une idée très controversée. Il faut bien réaliser que cette religion woke, comme on dit, est aussi une manière de mettre à l'écart les gens qui ne sont pas partie prenante de l'élite. Il y a eu plusieurs analyses différentes. Il y a notamment l'idée que les antiracistes, anti-homophobes, etc., antisexistes, ce sont des idées de très haut niveau qui sont développées à l'université. Ce sont en fait les idées de la méritocratie. Ce qui donne naissance à une catégorie de millennials, de jeunes, qui sont allés à l'université en croyant rejoindre la bourgeoisie, mais qui sont incapables aujourd'hui de s'acheter une maison, qui vivent toujours chez leurs parents. Leur situation économique est mauvaise, mais ils peuvent adopter ces opinions hautement considérées. C'est une manière, en fait, pour eux de montrer qu'ils font partie d'une classe supérieure de la société et non pas des échelons inférieurs. Donc c'est vraiment un marqueur social et un marqueur de classe d'avoir les opinions qu'il faut. Mais le philosophe que vous êtes, Matthew Crawford, ne peut sans doute pas se satisfaire entièrement d'une perspective sociologique, ni même marxiste. Ai-je raison d'entendre dans ce que vous dites une approche qui serait non pas anti-intellectuelle, mais qui critiquerait la façon qu'ont les intellectuels de réfléchir sur le réel? Et je fais référence ici à vos ouvrages, notamment le dernier, Contact, pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver, où vous montrez comment finalement une certaine approche intellectuelle nous conduit à tourner le dos à ce réel. Est-ce que c'est ce reproche-là que vous faites, non seulement aux universitaires, mais à la gauche américaine en général? Oui, je pense que le principe de réalité se fait rare dans la vie intellectuelle institutionnalisée de l'université. Je crois qu'aujourd'hui, l'université est le dernier endroit où il faut aller pour trouver des idées neuves. Et je pense que c'est sans doute parce que l'université joue un rôle tellement central dans l'économie néolibérale. C'est là où on obtient les garanties qui montrent qui vous permettent en fait de rentrer dans ces institutions. C'est ce qui est légitime, cette place. Il y a un phénomène de fusion entre l'expertise technique et l'expertise morale. Si le titre qui vous permet de gouverner s'appuie sur les diplômes universitaires, sur la reconnaissance universitaire, ça donne une certaine vision de la vertu. La vertu n'a donc rien à voir avec ce qu'on fait, elle a plutôt à voir avec le fait d'avoir la bonne opinion. Et si la vertu, c'est d'avoir la bonne opinion, l'opinion qu'il faut, ça signifie que vous êtes libre de concevoir des politiques sans être soumis aux conséquences de ces politiques, sans être impliqué en réalité dans l'impact que ça va avoir. Donc les élites libérales s'exemptent quelque part, par exemple d'envoyer leurs propres enfants dans les écoles publiques, qui ne fonctionnent pas bien. Ils mettent leurs enfants dans le privé. Ou alors ils vivent dans des quartiers qui sont complètement hermétiques par rapport au chaos et au dysfonctionnement d'autres quartiers de la ville. Et ils vont critiquer la légitimité de la police. Il y a une forme d'hypocrisie. Et je pense que c'est lié à cette façon dont la reconnaissance universitaire crée une classe coupée de la réalité, une classe supérieure très insulaire, très isolée, en tout cas qui se tient à l'écart de tout ce qui, dans la réalité, lui est désagréable ou inconfortable. Vous êtes vous-même affilié à une université, l'Université de Virginie. Comment ces critiques sont-elles reçues dans le milieu universitaire et dans votre université en particulier ? Well, I don't know. I have just a very tenuous connection there. Mon lien avec l'université est assez ténu. Je suis chercheur, associé, mais je n'enseigne pas. Je ne fais pas partie d'un département de l'université. Et mon institut est très permissif. Il laisse ses membres explorer différentes idées. Mais je ne vois pas comment je pourrais en fait enseigner et être réellement membre du monde académique à ce stade. Et vous le regrettez ? Non, pas du tout. Quand moi j'étais à l'université, c'était formidable. J'étais à l'Université de Chicago. Je n'avais pas envie de m'arrêter. Je crois qu'Adèle, vous avez étudié aussi à l'Université de Chicago. C'est vrai. Et c'était formidable de me plonger dans l'histoire, dans la pensée politique. Et je n'étais soumis à aucune de ces pressions de la conformité qu'on est en train de discuter. Mais enseigner, c'est très différent. Quand vous êtes étudiant, vous ne faites pas partie justement de cette machine de légitimation et de son lien avec l'économie. Et cette machine aussi qui génère un certain point de vue, une certaine façon de voir le monde, compatible avec le cosmopolitisme, un consensus cosmopolite. Vous avez dit que ce n'était pas à l'université que les idées neuves pouvaient naître. Où naissent-elles ? Comment ça se passe pour l'effervescence intellectuelle dont l'université n'a pas le monopole ? Comment faites-vous ? Eh bien, ça c'est un truc au sujet d'Internet, c'est que ça permet aux gens d'explorer des idées sans la structure académique, sans les disciplines, sans les différences justement, les catégorisations des disciplines, ni les exigences institutionnelles. Et une fois qu'on n'est plus attaché à une discipline en particulier, on peut accéder à toutes sortes de discipline et toute une histoire de la pensée. Je lis des travaux qui datent de plusieurs décennies ou à une époque où il semblait y avoir peut-être plus de liberté intellectuelle. Une autre personnalité qui m'aide à comprendre la situation politique actuelle, c'est Hannah Arendt. Et pourquoi ? Elle a écrit plusieurs essais, dont un qui s'appelle « De la désobéissance civile » et un autre sur la violence. Elle parle des mouvements radicaux étudiants des années 60, à la fois de leur violence et aussi des manifestations pacifiques. Et elle suggère notamment que la bureaucratie est devenue tellement présente et tellement puissante dans nos vies qu'elle est responsable d'une part de la colère et de la révolte. Elle explique cela comme ça. Avec la bureaucratie, on ne peut tenir personne responsable. On ne peut s'adresser à personne en particulier. On ne peut identifier personne comme étant l'agent qui a influencé la situation. Elle appelle ça la règle de personne. Et ça crée une frustration. Et un besoin d'action politique. Cette idée d'un pouvoir qui ne serait pas, à qui on ne peut pas demander de compte parce qu'il est invisible. Et je pense que ça, c'est très utile pour comprendre aujourd'hui. Hannah Arendt, qui par ailleurs s'opposait au fait d'utiliser, de brandir des identités, qu'elles soient ethniques, religieuses ou sociologiques, pour définir l'identité du citoyen. Elle ne pensait pas que Ces identités-là devaient servir de critères d'appartenance à une communauté politique. Oui, elle a aussi critiqué les blancs radicaux de ce mouvement étudiant qui essayaient de recruter des étudiants noirs pour leur servir de prolétariat dans leur propre intérêt. Elle disait que le mouvement du Black Power a résisté justement à ces efforts de recrutement de la part des radicaux blancs. Et on peut se demander aujourd'hui quel est le lien entre le mouvement Black Lives Matter et la gauche blanche bourgeoise. Il y a une forme de tension dans ce rapport-là, qui existe toujours. Les radicaux blancs veulent avoir des manifestants noirs pour incarner le visage d'un certain prolétariat. Arendt parle aussi de l'isolement des individus. And so this prevents a kind of organized qui empêche toute opposition organisée, l'atomisation en fait du collectif, qui est notamment appuyée par la présence de ceux qui ont l'information, l'informateur, l'espion en fait. L'exemple typique c'est celui de l'Allemagne de l'Est. On ne sait jamais si la personne avec qui on discute est peut-être un informateur. Et aujourd'hui, il me semble que les réseaux sociaux assument ce rôle de surveillance généralisée des uns et des autres. Et le véritable danger, quand on appartient à cette gauche dite « woke », consciente des inégalités, c'est d'être soumis en fait à des attaques de son propre camp. C'était assez terrifiant d'assister à la violence et aux attaques au sein de la gauche. Et Anna Arendt fait le lien avec le totalitarisme. Oui, précisément, les derniers écrits que vous citez d'Arendt, me semble-t-il, s'ancrent dans un contexte fasciste, même totalitaire. Est-ce que vous iriez jusqu'à comparer l'Amérique de Trump à une Amérique fasciste, comme le faisait Susan Bryson à ce même micro il y a deux jours? Une part de l'hystérie de cet establishment de résistance, comme ils disent, c'est l'idée que Trump a envie d'être un dictateur. Et oui, clairement, s'il le pouvait, il serait un dictateur. Il a une personnalité autoritaire. Mais il est tellement incompétent. Il n'a pas la capacité d'attention pour faire grand-chose d'autre que d'envoyer des tweets. Donc cette inquiétude me semble un petit peu erronée. Je pense que la principale source d'inquiétude, c'est ce climat de peur, d'exprimer son opinion surtout. Et encore une fois, je ne peux pas désigner un responsable en particulier ou un parti en particulier. C'est encore une fois un phénomène assez étrange qui se développe aussi avec les réseaux sociaux qui ont tendance à exacerber une vigilance anti-pensée incorrecte. Et il me semble que c'est plus pertinent en termes d'analyse des tendances totalitaires. Vous avez fait le choix, Matthew Crawford, d'une vie qui était à l'écart justement de ce milieu universitaire, de ce milieu intellectuel. Vous racontez dans vos livres vos péripéties autobiographiques qui mettent en scène tantôt un carburateur, tantôt une Volkswagen Coccinelle qui date de 1975. Est-ce que pour vous, la meilleure façon de pouvoir réfléchir et penser le monde dans lequel vous vivez, ça passe par cette mise en retrait-là, pour mieux ensuite avoir la distance qui permet d'observer ce qui se passe. You mean step aside from what? Quand vous dites se prendre de la distance, right. Se mettre en retrait, c'est par rapport à quoi? Par rapport au milieu que vous êtes en train de décrire. Au fond, vous prenez une sorte de figure marginale du philosophe que vous êtes. Mm. Yeah, I think so. It just feels more. Oui, je pense que je me sens tout simplement plus libre. C'est peut-être simplement une conséquence du hasard, mais il se trouve que je suis effectivement à la marge du monde académique et ça me plaît beaucoup, c'est là où j'ai envie d'être, parce que j'ai accès à d'autres philosophes et je peux discuter avec eux. Off the record, you know, y compris en coulisses, des conversations intimes. Les gens ont plus envie de discuter autour d'une bière ou d'un verre de vin. Ils sont davantage prêts à débattre que dans les échanges du contexte académique, du cadre académique. Votre prochain livre paraîtra en France dans quelques mois. Il s'appelle « Prendre la route, philosophie de la conduite ». Et vous y dénoncez, je crois, je ne l'ai pas encore lu, le rêve d'une conduite sans chauffeur. Vous dites que finalement, il vaut mieux continuer à conduire que d'être conduit, c'est ça? Yeah, I think the what's at stake. Oui, je pense que ce qui est en jeu. Well, I guess to begin with. Enfin, peut-être qu'il faut commencer par dire que je considère les voitures sans chauffeur comme un exemple d'un phénomène plus global dans lequel l'exigence de compétences laisse place à la promesse de la sécurité et d'un côté pratique. Évidemment, c'est très attrayant, mais je crois que ça, ce qui m'inquiète, c'est une forme d'atrophie des compétences nécessaires à la vie. Oui. Ce n'est pas juste la compétence technique qui consiste à savoir conduire, c'est partager la route qui nécessite une intelligence sociale et une forme de coopération. Être capable d'improviser et de faire fonctionner les choses de façon spontanée. Et c'est l'intelligence qui m'impressionne le plus. Merci beaucoup, Matthew Crawford, d'être venu, enfin, de vous être rendu disponible ce matin pour cette discussion. Et donc, j'ai hâte de lire votre prochain livre. Okay, well, thanks very much, Adele, for having me on. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Adele. À bientôt. Bye-bye. Et puisque Donald Trump n'a pas seulement inspiré les philosophes, mais aussi, et en très grand nombre, les chanteurs et les musiciens, voici donc Mac Miller, Donald Trump. Hey! Hey yo, Sap, what's good, bruh? This man's kinda high on me. Hey yo, the flyest motherfucker in the room, yeah, you know it's me. Bitches hating on him cause he started out here locally. Hopefully, I'll be at the top soon. For now, I'm at my house, on the couch, watching cartoons. You know how much you love it when you get it in abundance. Give a fuck about a budget when you always be the subject of discussion. But it's nothing when you stop and just say fuck it cause you walking out in public and you hear him talking rubbish. Just wanna ride through the city in a Cutlass. Find a big butt, bitch, somewhere get my nuts kissed. That's the way it goes when you party just like I do. Bitches on my dick that used to brush me off in high school. Take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? Take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? We gon' take over the world while these haters getting mad. That's why all my bitches bad. They see this crazy life I have in A&R. We gon' win, you can take the lose or draw. What I'm in, got these hoes who used to play me in they bras. We gon' take over the world while these haters getting mad. Take over the world while these haters get mad. That's why all my bitches bad. They see this crazy life I have. Hop into the car and then we take them to the pad. It's a rap. And motherfuckers think they know me but they never met the kids. They all come with excellence and money make benevolence irrelevant for the fuckers who never been intelligent. I kill my handy, break the bottle for the hell of it. Tell a bitch that she better bring her friends. And if she want an autograph, she better bring a pen. Yeah, the party never end, this life is what I recommend. And if you got a hope it for me, then she better be a 10. I ain't picky, but these girls be acting tricky when the situation's sticky and the liquor got them silly. But I take over the world when I'm on my Donald Trump shit. Look at all this money, ain't that some shit? Oui, sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, une question incontournable. À quoi sert l'histoire de la philosophie ? Eh bien, j'évoquais hier le monde merveilleux des notes de bas de page et un peu emporté par mon sujet, je n'ai pas eu le temps de dire le quart de ce que je voulais dire. Je me permets donc de préciser un peu mon propos. Vous voulez dire que cette chronique sera une note de bas de page à la chronique d'hier ? En fait, je voulais parler d'une note de bas de page en particulier, donc ce sera même une note de bas de page à une note de bas de page. C'est un peu pointu, mais en fait, pas du tout. C'est même plutôt une histoire amusante. Allez-y. Alors, je suis un peu thomiste à mes heures perdues, alors je surveille toujours d'un œil l'actualité de l'Aquinate, comme disent les snobs, l'actualité de Thomas d'Aquin. Et c'est là que j'ai vu apparaître, véritable provocation dans le champ relativement paisible des études thomistes, un petit livre prétendument signé du docteur angélique, comme disent les fanatiques, et intitulé « L'éternité du monde ». Inutile de connaître en détail la sixième question du premier livre de la Somme théologique sur l'éternité de Dieu, pour voir que quelque chose n'allait pas. C'est Dieu et non le monde qui est évidemment éternel pour Thomas d'Aquin. Mais le coup était réussi, j'ai acheté le livre, par curiosité. Il s'agissait en fait d'une compilation des textes de Thomas d'Aquin sur la question de l'éternité du monde, mieux une compilation de ses réfutations de l'éternité du monde. Il y en aurait même 12, l'honneur théologique était sauf. Donc ça veut dire que le monde n'est pas éternel ? 12 fois non. Mais le compilateur de ces textes, Grégoire Cellier, note subtilement qu'une telle persévérance est suffisamment paradoxale pour attirer l'attention. Et donc Thomas d'Aquin pourrait avoir douté sur ce point essentiel ? Non, je ne crois pas, évidemment, que le principal des docteurs médiévaux n'ait pas cru à la création serait vraiment extravagant, mais cela pourrait fournir un excellent argument pour une nouvelle à la Borges. Justement, en lisant l'excellente introduction de l'ouvrage, je suis tombé sur une note de bas de page à partir de laquelle on pouvait soutenir une hypothèse presque aussi extravagante. Il s'agissait de la passionnante question de l'accès des médiévaux aux sources grecques, et spécialement à Aristote. Platon ne sera vraiment bien connu qu'un peu plus tard. J'ai ainsi redécouvert que Thomas avait lu et commenté Averroès, Avicenne et Maïmonide, ses maîtres et ses rivaux en aristotélisme. Mais j'ai aussi découvert, je ne le savais pas, que Thomas s'était inspiré d'Al-Jazel, une sorte de philosophe de synthèse de chimère scolastique, car les médiévaux ne connaissaient de l'œuvre de celui-ci que la partie destinée à exposer la philosophie de ses rivaux, essentiellement Al-Farabi et Avicenne, sans savoir que ce n'était que pour mieux la réfuter. Ensuite, alors ça rappelle un peu ces philosophes hérétiques dont les doctrines ont été sauvées dans les œuvres de leurs adversaires. Et là, on a envie de tenter l'hypothèse suivante. Et si le thomisme, l'une des branches les plus glorieuses de la philosophie occidentale, procédait en dernier lieu d'une gigantesque erreur d'interprétation ? Et si la philosophie occidentale, dans sa totalité, était une hérésie ? Le pire étant alors que ce ne serait pas tant que ça un rebondissement. Comment ça ? C'est par exemple à cela une hérésie que l'Église a longtemps réduit les Lumières, ou bien c'est ainsi que Heidegger aimait résumer l'histoire de la philosophie, une simple erreur d'interprétation, un oubli malheureux de l'être. Mais donc ça veut dire que l'histoire de la philosophie servirait à rectifier ces erreurs ? Mieux, à les collectionner, comme autant de sous-intrigues et de twists merveilleux. L'histoire de la philosophie, c'est le roman qui possède l'intrigue la plus longue, une intrigue qui continue à s'épaissir encore et à s'éclaircir un peu plus d'un même mouvement contrarié et génial, comme celle des meilleurs romans. C'est noté, Aurélien Bélanger. Merci beaucoup. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Clara de Giovanni, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui a réalisé cette série d'émissions pour vous. À la lecture des textes, c'était Bernard Gabet. À la prise de son, Anthony Thomasson. À la traduction, aujourd'hui, Marguerite Capelle. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui donne chaque semaine la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie de Sandra Laugier. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission et vous pouvez écouter aussi le reste de la programmation que vous propose France Culture cette semaine. À quelques jours des élections américaines, de nombreuses émissions se mettent à l'unisson pour parler des élections américaines. Et je vous donne rendez-vous notamment mardi prochain, le 3 novembre, dès 21h. Ce sera la nuit américaine et Frédéric Martel et l'équipe de Soft Power accompagneront le débat public américain et le vote qui élira le prochain président des États-Unis. Vous savez tout. On se retrouve demain à 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.